Les racines mystiques de Montréal. Connaît-on vraiment notre histoire? Au-delà des dates, des personnages et des événements, il existe des intentions, des tractations, des croyances et même de grands desseins qui se perdent dans les méandres de notre mémoire collective. Ici Marie Lambert-Chane, rédactrice en chef du magazine Québec Science. Eh oui, un magazine d'information et de vulgarisation scientifique qui s'intéresse de très près à l'histoire. Parce que l'histoire est une discipline scientifique que les chercheurs n'ont pas fini d'explorer. Nous l'avons constaté par le passé, notamment dans une édition spéciale de notre magazine sur le 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008, et aussi un numéro hors-série qui soulignait les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on parle de Montréal. En cette année du 375e anniversaire de la fondation de la métropole, notre journaliste, Sylvain Lombroso, s'est justement intéressé aux fondateurs oubliés et à leurs réelles intentions. Il en a fait une balado en 4 épisodes qui, je vous le garantis, s'écoute comme un polar historique. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Dis-moi, pourquoi t'es-tu intéressé à ce que tu appelles, et c'est la première fois que j'entendais l'expression, elle est de ton cru, les racines mystiques de la création de Montréal? Alors, la première raison, c'est que j'avais vraiment envie de remettre l'histoire de la Fondation sur la table. Je trouvais que pendant cette célébration du 375e anniversaire, finalement, on n'en avait pas tant parlé que ça. On a fait beaucoup de manifestations qui étaient plus du domaine du divertissement, de la culture, mais on n'a pas vraiment remis nos fondateurs sur le devant de la scène. Alors moi, j'avais envie de le faire d'une façon un peu originale, dans la mesure où l'histoire qu'on apprend à l'école avec... Oui, on les confine souvent à nos manuels d'histoire. Exactement. Donc, pour les souvenirs, donc on a Cartier qui arrive ici en 1535, qui va visiter le village d'Hochelaga, donc un premier village indien. Ça va très bien se passer d'ailleurs. Il a consigné ça dans ses carnets. Et puis ensuite, du coup, il y a Champlain qui va venir en 1611, lors de son 6e voyage. Là, Champlain, lui, il cherche des nouveaux lieux d'implantation. Il va visiter les quelques îles autour de Montréal. Il va d'ailleurs nommer l'île de Sainte-Hélène en hommage à sa femme, Hélène Boulet. Et puis, il va trouver un lieu qu'il va trouver très facile d'accès. C'est ce que lui a appelé la Place Royale, mais qui aujourd'hui s'appelle Pointe-à-Caillère, où il va en fait, se faire ensemencer le champ. Il va planter des choses. Il va aussi construire une palissade un peu plus loin pour voir ce que la neige fait en hiver. Donc déjà, elle fascinait. Voilà, exactement. Je pense qu'il était, intéressé par ce genre de réaction. Et donc, mais ensuite, il va s'en aller. Il n'y a pas d'implantation à ce moment-là. Il faut attendre tout ce qu'on a raconté, l'épopée lancée par Jérôme le Royer de la Dauversière pour enfin avoir un établissement ici pérenne avec Maisonneuve. Alors pourquoi les racines mystiques? Je trouvais comme l'histoire de la fondation pure avec Maisonneuve et Jeanne Mance ici, finalement elle est assez connue, rabâchée. Là, c'était plutôt montrer le contexte d'action de ces personnages et puis redonner un peu de la lumière à des gens comme Ollier, la Dauversière, qui finalement sont un peu oubliés. Parce que je vais avouer mon ignorance, c'est la première fois que j'en entendais parler. Je dois dire. Donc, et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Parce que c'est représentatif, effectivement. C'est que ce sont des personnages vraiment à la fois énigmatiques. On l'a évoqué, c'est des gens qui avaient vraiment peur d'être mis en avant. Ils voulaient vraiment s'effacer. Donc, comme des éminences grises, finalement. C'était positif, c'est qu'ils avaient tellement peur de leur amour propre qu'ils voulaient absolument... pas qu'on retienne spécialement leur nom. La Dauversière, on l'a dit dans le balado, il a brûlé son journal personnel parce qu'il voulait pas que les gens le lisent, parce qu'il voulait pas spécialement qu'on retienne son nom, il voulait juste qu'on retienne son œuvre. Puisque lui, évidemment, ce qui l'intéressait, c'était la vie éternelle, la vie d'après sa mort. Donc il avait pas du tout envie de rester dans la postérité. Bon, il se trouve qu'on a aussi donc Jean-Jacques Ollier, qui est exactement dans ce genre de réflexion là aussi. Et puis, en fait, en s'intéressant à leur vie, ça permet de mettre en valeur un certain nombre de choses du XVIIe siècle, c'est-à-dire un contexte religieux qu'on a évoqué, et puis aussi une façon de penser, une façon de raisonner. Parce que souvent, on essaie de plaquer sur ces gens des raisonnements du XXIe siècle, et en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on essaye de comprendre leurs réelles intentions et leur foi, leur mysticisme, pour comprendre ce qui s'est passé à Montréal, puisque Montréal n'était pas fait pour le commerce des fourrures, mais bien pour convertir des Indiens, pour créer une ville, une cité religieuse où on allait vivre en harmonie et en paix. C'était ce à quoi on aspirait à l'époque, c'est comme la terre promise, la terre idéale. On voulait finalement reconstruire un monde meilleur. C'est exactement ça, puisqu'on n'arrivait pas à le faire en France. Il y avait des tensions entre les protestants et les catholiques. Il y avait toutes sortes de conflits. Donc, il y a eu la guerre de 30 ans aussi. Ensuite, où il y a tous les pays européens qui se sont affrontés. Donc, les gens étaient vraiment habitués à voir des cadavres dans la rue. Il y avait une certaine violence contre les femmes, bien pire que celle d'aujourd'hui. Il y avait vraiment les conditions du XVIIe siècle n'étaient pas très sympathiques. Donc on rêvait d'un Montréal parfait. Et bon, je ne sais pas si on y a réussi, mais en tout cas, il fait bon vivre à Montréal. Donc quelque part, ces gens, le pari qu'ils ont fait est plutôt aujourd'hui, je trouve, réussi. Et comme on disait d'entrée de jeu, ce n'est pas une histoire qui est finie, qui est terminée, dans le sens que les chercheurs s'y intéressent encore. Tu as rencontré des chercheurs qui étudient toujours ces personnages. Alors c'est effectivement fascinant, c'est qu'on a l'impression, en regardant les livres d'histoire de nos enfants, que tout est écrit et qu'on sait tout, et c'est complètement faux. Il y a énormément de connaissances qu'on n'a pas encore. Alors, on va écouter un extrait là, de Marielle Mazzocco, la chercheuse qui s'intéresse à l'école mystique française. Alors, elle m'a parlé de. Donc, elle nous a parlé de Marie Rousseau dans le troisième épisode, cette femme incroyable qui conseillait Ollier. Et elle m'a expliqué que, en fait, Marie Rousseau ne savait pas écrire, mais avait dicté son journal à sa femme de chambre. Et que ce journal n'avait pas été fouillé. Et donc, dans ce journal, qui est, je crois, à la Bibliothèque nationale de France, on pourrait trouver un nombre de faits historiques énormes parce que, évidemment, elle a rencontré tout le monde, comme on l'évoque dans le balado. Elle a notamment rencontré Jeanne Mance, à qui elle a prodigué de nombreux conseils. Bien, tout ça, on ne le connaît pas. Elle a rencontré la Dauversière, on ne sait pas ce qu'elle lui a dit. Donc, tout est consigné dans le journal, mais ce journal fait des milliers de pages. Il n'a jamais été fouillé. Donc, qui sait ce qu'on pourrait trouver dans ce manuscrit. Et puis on a aussi, effectivement, donc on a des chercheurs qui continuent à rechercher des documents, qui continuent à étudier les relations. On retrouve parfois des choses incroyables dans ces vieux papiers. Et donc là, on va écouter donc cet extrait de Marielle Mazzocco à propos du journal de Marie Rousseau. Je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir vraiment travaillé de manière systématique à l'intégralité des tomes. Il va de soi qu'il serait intéressant que quelqu'un puisse se pencher de manière plus systématique sur ces volumes, notamment pour repérer des épisodes historiques, puisque, étant donné qu'il s'agit d'une femme qui dicte et qui est en train de parler lorsqu'elle raconte ses révélations, elle peut avoir raconté quelques épisodes historiques intéressants. Alors, si je comprends bien, avec tout ce qu'on vient de se dire, la mémoire du Québec serait encore à construire, selon toi? Il y a eu une dispersion des documents. Donc, il y a eu une dispersion de la mémoire du Canada français. En 1760, quand les Français, donc à la capitulation de Montréal, repartent dans leur pays, ils emportent sur les bateaux tous les documents institutionnels. Donc, il y a évidemment un grand nombre de documents qui sont du coup aujourd'hui à Paris, qui ne sont jamais revenus. Donc ensuite, la colonie passe sous domination anglaise. Et puis là aussi, il y a énormément de documents qui sont en Angleterre. Et puis comme on a évidemment l'Église catholique qui a fait la pluie et le beau temps pendant de nombreuses années dans la province, il y a énormément de documents qui sont au Vatican. Et donc, les évêques écrivaient des rapports qui étaient envoyés là-bas. Donc, et ces rapports contiennent une somme d'informations incroyables. Et tout ça, et bien sûr, n'est pas présent au Québec. Donc, il y a vraiment une partie de la mémoire du Québec qui est en France, qui est en Angleterre, qui est au Vatican, mais qui est aussi dans d'autres pays comme la Russie. Est-ce que cet éparpillement de la mémoire fera peut-être l'objet d'une prochaine série à laquelle tu songes déjà? Effectivement, tu lis dans mes pensées. L'idée, c'est que j'ai commencé à interroger des archivistes, en fait, que j'ai rencontrés dans le cadre du balado sur les racines mystiques. Donc, ces archivistes-là m'ont orienté vers un certain nombre de documents, de textes. Et ils vont nous raconter vraiment cet éparpillement de la mémoire. Il y a des choses vraiment surprenantes, parce qu'en gros, il y a depuis maintenant plusieurs siècles, des gens qui ont compris que la mémoire de la province était éparpillée, qu'il fallait la reconstituer. Le premier d'entre eux, de façon surprenante, c'est Papineau, puisque quand il était en exil à Paris, il a eu accès à un certain nombre de documents. Et il a entrepris de les recopier lui-même et de les faire recopier. Donc quand il est revenu après son exil au Québec, il a ramené un certain nombre de volumes de tous ces documents très importants. Bon, il y a une partie qui a brûlé dans le Parlement de Montréal, mais il y en a une énorme partie qui a été utilisée, qui a été très utile. Donc, la mémoire va se reconstituer à partir de cette capacité qu'on va avoir d'aller chercher des archives en Europe. Et ce qui est remarquable, c'est que Louis-Joseph Papineau, qui s'était exilé, lui, à Paris, pour échapper à la prison et pour échapper au pouvoir anglais, va être mandaté par le gouvernement pour assurer la gestion des copies de ces archives-là. Donc, c'est lui qui va en rapporter un certain nombre quand il reviendra d'exil en 1845. Et ces archives-là vont commencer à circuler un peu partout sur le territoire. On n'avait pas de photocopieuse à l'époque, mais on avait beaucoup de gens qui maniaient la plume et qui recopiaient les documents les uns et les autres ou qui se les prêtaient entre eux. Donc, à suivre. J'ai vraiment, vraiment très hâte d'entendre ça. Et dis-moi, Sylvain, entre-temps, grand globe-trotteur que tu es, je sais que tu as fait une petite virée récemment à Salt Lake City pour un grand dossier portant sur la mort que nous publierons dans Québec Science à la fin mars, sans trop en dévoiler. Tu as rendu visite à des Mormons qui, si j'ai bien compris, reconstituent l'arme généalogique de l'humanité. La mémoire, l'histoire, c'est ton dada? Oui, alors j'avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu, effectivement, mon dada. Là, on est allé à Salt Lake City, et puis l'idée, c'était de poursuivre l'étude du traitement de la généalogie par les Mormons, puisque donc cette église très spéciale déploie des moyens énormes pour numériser, retrouver tous les documents contenant des informations généalogiques et ensuite ont des moyens technologiques vraiment surprenants pour à la fois les préserver, les conserver et aussi pour retrouver tous les noms qui sont présents et les relier entre eux pour faire une sorte d'arbre généalogique de l'humanité tout simplement. C'est un dispositif qu'on a visité à Salt Lake City qui est vraiment incroyable. Et on va aussi découvrir, mais je ne vais pas révéler évidemment toute la série, mais on va découvrir... Mais non, il faut se garder des secrets un peu. Exactement. Et alors surtout, là, on va voir qu'il y a un rapport avec le Québec qui est très fort, parce qu'il y a des Québécois qui sont, on va dire, dans la hiérarchie de l'Église et qui sont des fers de lance de ces actions pour retrouver des documents, la généalogie. Et donc, tout simplement, on est allé les rencontrer, les interroger. Et donc, on va présenter cette série en 2018. Tu sais que tu suscites beaucoup d'attentes, hein? J'espère. Merci beaucoup, Sylvain. À tous les auditeurs, merci pour votre écoute. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au balado de Québec Science sur iTunes ou Google Play. Vous pouvez écouter la série Les racines mystiques de Montréal et avoir accès au prochain reportage de Sylvain Lombroso. Et je vous invite aussi à vous abonner à l'édition papier de notre magazine, à vous abonner à notre infolettre et à consulter notre site au www.quebecscience.qc.ca. Reportage exclusif, chronique, bande dessinée, dernière actu scientifique. Tout ça et bien plus pour vous, amateurs de science, de techno et bien sûr de bonnes histoires. À bientôt! Les racines mystiques de Montréal.